écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. De génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. De longs courts baisers que tu m'as donné un beau soir d'été. Tu murmurais plein d'ivresse, des mots très doux, des promesses, et mon cœur s'abandonnait amoureux à son rêve merveilleux. Quand tu viens là tout près de moi, mon amour, je sens bien que je suis à toi pour nous. Nous redisons tout bas le mot qui grise et que j'aime. Chaque jour, il paraît nouveau, pourtant c'est le même. Je puis mourir pour toi demain, quel beau. Je suivrai ainsi mon destin en témoin d'amour. Et parmi tant de choses, ce fut la vie en rose, amour ensoleillé, cœur extasié, baiser passionné. Pour apaiser notre ivresse, nous nous parlions de tendresse, et depuis nous vivons des jours bénis, éternellement unis. Quand tu viens là tout près de moi, mon amour, je sens bien que je suis à toi. Nous redisons tout bas le mot qui grise et que j'aime. Chaque jour, il paraît nouveau, pourtant c'est le même. Je puis mourir pour toi demain, quel beau jour. Je suivrai ainsi mon destin. Attention à la radio en couleur, il est 13h passé de 30 minutes. Et bien voilà le retour de l'émission du vendredi après-midi avec les chansons souvenirs. Et puis on a pu commencer l'émission avec Charlotte Duvia et puis on continue avec les chansons souvenirs et c'est Emma Liebel. C'est toi la reine du faubourg. Hippolyte, Hippolyte, tu es ma joie et mon bonheur. Pour toi j'ai su garder mon cœur. Hippolyte. Mais quand le cœur a 18 ans, il veut croire au joli roman. Or il est étranger de passage, l'entraîna dans un beau voyage, et tous les soirs à Monaco, elle fut reine au casino, et dans le luxe et le plaisir, elle cherchait à s'étourdir. dire, les vies sont la vie délaissée, disait ne pouvons l'oublier. Prolène, aux gros yeux noirs, aux cheveux courts, jolie, coquette, en veux implore ton retour. Prolène, l'argent ne fait pas de bonheur, reviendra tes bruits de mon cœur. Au bord des flots un soir d'été, elle rêvait au jour marché, sous le bâton la nuit sereine, un poète chantait sa peine. Et les accents de cette voix tombaient lui murmurer autrefois. Elle approcha tout près de lui et le reconnut dans la nuit, en regrettant son abandon, tendrement elle lui dit pardon. Prolène, aux gros yeux noirs, aux cheveux courts, jolie, coquette, ce soir ça revient pour toujours. Prolène, Prolène, à retrouver le vrai bonheur, qui pour toujours devant son cœur. Prolène. Voici, il s'appelle Guy Berry. Son titre s'appelle Donne-moi tes yeux. Au gré de mon plaisir, j'ai suivi ton désir, partagé sans contrainte, follement ton étreinte, ce caprice d'amour qui revit chaque jour, fait-il naître en ton cœur le bonheur. Donne-moi tes yeux, je verrai si tu m'aimes. Donne-moi tes yeux, au pouvoir merveilleux. Ils sont grisants, troublants, caressants, c'est ma joie suprême. Dès que tu mens, malgré tes serments, je le vois quand même. Donne-moi tes yeux, je verrai si tu m'aimes. Dans tes yeux ce soir, j'ai mis tout mon espoir. Je me moquais par jeu des aveux amoureux, mais lorsque tu t'éloignes, une douleur m'empoigne. L'amour dont je riais, je le veux désormais. Dans mes bras je te tiens, ne dis rien. Donne-moi tes yeux, je verrai si tu m'aimes. Donne-moi tes yeux, au pouvoir merveilleux. Ils sont grisants, troublants, caressants, c'est ma voix suprême. Dès que tu mens, malgré tes serments, je le vois quand même. Donne-moi tes yeux, je verrai si tu m'aimes. Dans tes yeux ce soir, j'ai mis tout mon espoir. Je verrai si tu m'aimes. Dans tes yeux ce soir, j'ai mis tout mon espoir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ciel. c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et voici, il s'appelle Robert Murnier, son titre « Je suis coiffeur ». Le grand Napoléon naguère gagnait la guerre chaque fois. Si Victor Hugo, comme poète, n'était pas bête, ma foi, c'est qu'ils étaient comme moi-même, qu'ils se donnaient à leur métier. Mon métier, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Il me possède tout entier. Je suis coiffeur. C'est ma gloire et mon bonheur, car je crée en vérité de la beauté. Je ne rougis point, ma tondeuse ni mes shampoings, et je n'ai qu'une religion, l'ondulation. La permanence me hante la nuit et le jour. L'indéprisable m'accable de soucis toujours. Aujourd'hui, dans tout Paris, on admire ma mise en puits pour son chic et son brio. C'est moi, Mario. Mes poignées, les boucles, les frisures, dans la figure, nerf bien. Appliquons donc sur votre peau fine cette crème divine qui tient. Massons le derme et l'épiderme par tapotement et par friction. Pas longtemps bien sûr, mais d'une main ferme. Et maintenant faites bien attention. Je suis coiffeur, c'est ma gloire et mon bonheur, car je crée en vérité de la beauté. Je ne rougis point de ma tondeuse ni de mes shampoings, et je n'ai qu'une religion, l'ondulation. La permanence me hante la nuit et le jour. L'indéfrisable m'accable de soucis toujours. Aujourd'hui, dans tout Paris, on admire ma mise en puits pour son chic et son brio. C'est moi, Mario. Et voici, elle s'appelle Yolanda, son titre à peine. Bonjour, la chanson commence comme toutes les chansons. Un jour, j'ai fait connaissance d'un jeune et tendre garçon. Ce jour, t'en souviens-tu, remonte tout au plus, je crois à deux ou trois. Et puis il a suffi, chérie, que je souris à peine. Ce fut un conte de fées, de fées un peu décoiffées. Après cette nuit-là, lorsque tu t'en allas, je crois que j'avais là. Tant pis, je n'ai rougi qu'à peine. Adieu, ma chanson s'achève comme tant d'autres chansons. Mon Dieu, plus d'un tendre rêve.

jamais tout est fleuri. Quand on a su toute une vie s'adorer toujours. Voici, je vous laisse avec deux morceaux de trompette. Thank you.

le petit lit blanc. C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant. Voici René, l'ami, fille d'Ève. Des cheveux qui les font belles à ravir, des yeux qui vous ensorcellent à plaisir, la taille et la gorge ronde, les plus belles jambes du monde, les voilà les filles d'Ève. Le cœur de Mimi Pinson, plein d'amour, dans la tête une chanson de jour, des sourires de coquette, des silences qui promettent, et ce sont les filles d'Ève. Mais parmi toutes ces femmes si jolies, quand il doit choisir la femme de sa vie, il la veut tendre et sincère et parfaite ménagère, comme doit l'être une fille d'Ève. Il a trouvé la perle fine, on ne peut rien lui comparer. Économe et douce et si câline qu'il ne peut adorer. Ses longs cheveux la font belle à ravir, et ses beaux yeux l'ensorcellent à plaisir, la taille et la gorge ronde, les plus belles jambes du monde, elle s'installe dans ses rêves, et rien qu'en battant des cils doucement, elle en fait le plus docile des amants. Il comprend vite quand même que le bel ange qu'il aime, c'est le diable lui-même. Voilà, elle va croquer la pomme. Adam perdu le paradis. Pourtant, depuis le temps, les hommes sur terre se laissent faire aussi. Pour séduire, d'aucuns savent ce qu'elles ont. En attendant, elles savent qu'elles font. On ne peut se passer d'elles, qu'elles soient ou non fidèles. On pardonne aux filles d'Ève. Messieurs, prenez-y bien garde. Quand elles vous prennent, elles vous gardent. De la réalité au rêve, il n'y a qu'un pas, rien qu'un faux pas. Les filles de... Voici Teddy Reno et son titre, tu te souviendras de moi. Tu te souviendras de moi quand tu ne m'auras plus, et tu diras parfois si j'avais su on se quitte en emportant que de bons souvenirs. Ce sont ceux-là pourtant qui font souffrir. Car si tu veux ne plus penser à notre amour, supprime alors toutes les heures de la nuit et du jour. Tu te souviendras de moi, si vraiment tu m'aimais. On n'aime qu'une fois, à tout jamais. Si tu veux ne plus penser à notre amour, supprime alors toutes les heures de la nuit et du jour. Tu te souviendras de moi, si vraiment tu m'aimais. On n'aime qu'une fois, à tout. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2 Arc-en-Ciel. Il s'appelle Vanny Marcoux et son titre Le chant des demoiselles de magasin. On marche, on court, on téléphone, et d'escalier en escalier, dans le grand magasin bourdonne le bruit du travail familier. Et cette ruche sans pareille, où l'on s'agite en tourbillon, ah, pour la borrieuse abeille, la demoiselle de rayon. La demoiselle de magasin, comme une oiselle, dit son refrain. Voyez mesdames, voyez messieurs, voyez réclame, à qui mieux mieux. À son comptoir, petit ou grande, la voyez-vous glisser, courir, et quoi que le client demande, chercher, trouver, sourire, offrir. Ainsi vont aux cieux l'hirondelle, et le soir même à bout des portes, mais non de constance et de sel, elle offre, elle sourit encore. La demoiselle de magasin, comme une oiselle, dit son refrain. Voyez mesdames, voyez messieurs, voyez réclame, pas qui mieux mieux. Jolie assez pour le paraître, coquette, en seriez-vous jaloux? Courtisez après tout peut-être, et puis de quoi vous mêlez-vous? On peut aimer et rester sage, et si dans la belle saison une fleur au corsage, c'est la fleur de Mimi Pinceau. La demoiselle de magasin, comme une oiselle, dit son refrain. Voyez mesdames, voyez messieurs, voyez réclame, à qui mieux mieux. Esprit chagrin comme la pluie, allez chercher du réconfort, allez du monde où l'on s'ennuie, jusqu'au théâtre où l'on s'endort. Pour toi de l'ennui tu te fiches, quand tu peux s'inscrire au crayon de nombreux achats sur tes fiches, aux demoiselles de rayon. La demoiselle de magasin, comme une oiselle, dit son refrain. Voyez, mesdames, voyez, messieurs, voyez, réclamez, à qui mieux, mieux. Et voici Lucienne Boyer, le titre qui m'aimerait dit. Là, par un clair matin, le minois rieur, le regard mutin, attiré soudain par son vrai sourire, je pris comme toi le même chemin. Bientôt gentiment, nous allions tous deux, bras dessus dessous, en vrais amoureux. Qui m'aurait pu dire qu'un jour je saurais par toi malheureux. Lorsqu'en riant je te jurais que je t'aimais à la folie, qui m'aurait dit que tu tiendrais autant de place dans ma vie. Je m'amusais de mon serment, une pensée t'aimait qu'à peine. Qui m'aurait dit qu'un jour pourtant tu me ferais tant de peine. Ah, qu'ils étaient beaux tes jolis grands yeux, tes yeux si profonds et si nombreux. Ton regard troublant comme une caresse semblait refléter tout l'azur des cieux. Ah, qu'il faisait bon dormir doucement dans tes petits bras, dans tes bras d'enfant. Pouvais-je penser que tant de tristesse si vite suivrait tant d'enchantement. Qui m'aurait dit que tes grands yeux au regard tendre et si candide cachaient un cœur malicieux, un cœur de femme, un cœur perfide. Qui m'aurait dit que de ta main, ta main si douce et si fragile, tu briserais sans un chagrin. Ma pauvre âme trop docile. Voici Colette Mars avec son titre Un air de cristal. Dans notre rue, un joyeux musicien a fait sonner de gais refrains. Il a joué sur des verres transparents en les frappant doucement. Un air de cristal flottait dans le vent, clair et musical, comme une voix d'enfant. Il t'a fait ouvrir tes volets de bois, et ton clair sourire a brillé pour moi. Et des enfants sur leur vitre ont collé, émerveillés, leur petit nez. Le plus petit est sorti, il a dit, je veux jouer moi aussi. Un air de cristal tendre et musical a vagabondé. les gamins dans l'air frais du matin. On a dansé plein d'entrain. C'est ainsi que l'amour, au milieu de la cour, nous a pris pour toujours. Et tout ça parce qu'un jour, dans notre rue, un joyeux musicien a fait sonner de gai refrain. Il a joué sur des verres transparents en les frappant doucement. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Voici donc Fred Maloney, son titre « Je suis Némob ». Je suis Némob, Némob, je suis démobilisé. Je suis Némob, Némob, je suis démobilisé. Je suis Némob, Némob, je suis démobilisé. Fini toutes les corvées, la marche forcée. Vive la grasse matinée, moi je paye la tournée à tout le bistrot entier. Pourtant j'étais pas mal sous l'uniforme, pour me parler on y mettait des formes. Fille de clou, tête de lard, et j'étais le roi des tolards. Mais maintenant, je suis peinard, je suis des morts, je suis démobilisé. Je suis des morts, je suis démobilisé. Je suis des morts, j'ai trouvé ma fiancée. Oui, mais j'avoue pourtant, j'ai eu du bon temps, malgré les adjudants, et je fais un salut à toutes les nouvelles recrues. Je suis des morts, je suis démobilisé. Je suis des morts, je suis démobilisé. Fini toutes les corvées, la marche forcée. Vive la grasse matinée, moi je paye la tournée à tout le vide entier. Voici Jacques Lyon avec Paulette. L'histoire, pas très morale, en vérité, de Paulette, fille méritoire, qui n'avait jamais voté. Elle partit gagner sa vie, toujours très polie, toujours comme il faut, chez un marchand de bonnerie et de cache-corset en gros. En la voyant si bien faite, toujours très honnête, toujours comme il faut, le patron perdant la tête lui offrit des coquelicots. Il lui fit d'abord des compliments, puis des serments, puis un enfant, tandis qu'elle disait avec émoi, je n'aimerai jamais que toi. Elle le trompa sans mystère, toujours très austère, toujours comme il faut, avec un clair de notaire, voilà ce que c'est que d'être sans défaut. <t'en> morceau, Soul, et puis un petit coucou à maman que je sais qu'elle aime ça. Voici le Soul. Girl,

le tic-tac de son cœur fidèle. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, sans qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. À 30 ans, j'aimais mon métier. J'adorais ma jolie meunière. C'est alors que vous nous quittiez. Mais quand du ciel vous regardez par la campagne, tous ces moulins tournant du nord à la Bretagne, vous pensez avec un sourire qu'on est là pour en mettre un coup. Et qu'on a bien raison de dire, maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tranquille à deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il s'appelle le Tiron et le titre Le secret de bébé. Je connais depuis longtemps un bébé des plus charmants, dont la chair pauvre mignonne est poitrinaire à cœur. Quand je vis la blonde tête de ce gracieux lutin, il parcourait en cachette les sentiers d'un grand jardin. Ses menottes potelées tenaient un fil qu'il roulait autour des branches fanées que parfois il a traînées. Que fais-tu là, petit homme? L'enfant surpris me toise, puis souriant, voici comme, à voix basse, il me parla. Tu me plais, je vais te dire quel est mon secret à moi. Si tu me promets sans rire de bien le garder pour toi, tout d'abord je dois t'apprendre que je m'appelle bébé, que j'ai ça va te surprendre. Mes 5 ans depuis l'été. Pour jouer à la cachette, je suis tout seul à présent, car bien malade et sereine, si le docteur vient souvent, ce docteur est très sévère. Mais ne paraît pas méchant, cependant petit père, toujours pleure en écoutant. Aussi j'ai voulu connaître ce qui la faisait pleurer. J'étais curieux peut-être, monsieur, tu vas me gronder. Tout un meuble avec mystère, hier je me suis caché. Le docteur causait de terre, je l'avais touché, causé. Il disait, voyez par terre, combien de feuilles qu'il va. Quand on verra la dernière, la chère enfant s'en ira. Voilà pour rattrape les soyons qui vont tomber. Mais c'est une grande chose, monsieur, que tu... Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Luis Mariano et Flûte et Zut. Qu'est-ce que disent Marinette? Et zut et flûte, j'ai 20 ans. Tous les jours avec ma mère, le ménage, les cours à faire. Et flûte et zut, c'est le printemps. De son côté, l'air morose, Jean-Pierre disent la même chose. Et zut et flûte, j'ai 20 ans. Au lieu de faire des écritures, qu'il ferait bon dans la nature. Et flûte et zut, c'est le printemps. Un oiseau s'ennuie dans sa cage, à regarder derrière son grillage. C'est la liberté qu'il entend chanter dans l'arbre à côté. Plutôt que d'enfiler des perles, me disait un jour un vieux merle, soyez un peu fou et embrassez-vous, il y a un temps pour tout. Mon Jean-Pierre, à toi je pense, dans tes bras toujours je danse. Et zut et flûte, j'ai 20 ans, je crois te voir apparaître chaque nuit par la fenêtre. Et flûte et zut, c'est le printemps. Oh ma douce Marinette, je crois bien que je perds la tête. Et zut et flûte, j'ai 20 ans, tu es là dans tous mes rêves, je t'embrasse, je t'enlève. Et flûte et zut, c'est le printemps. Un oiseau s'ennuie dans sa cage, à regarder derrière son grillage. C'est la liberté qu'il entend chanter dans l'arbre à côté. Plutôt que d'enfiler des perles, me disait un jour un vieux merle, soyez un peu fou et embrassez-vous, il y a un temps pour tout. Ah, tant pis pour la voisine qui m'espionne et me devine. Et zut et flûte, j'ai 20 ans, je m'en vais à l'instant même retrouver celle que j'aime. Et flûte et zut, c'est le printemps. Nous irons dans la nuit brune ramasser des fleurs de lune. Et zut et flûte, j'ai 20 ans, nos parents faisaient, je gage, la même chose à notre âge. Et flûte et zut, c'est le printemps. Un oiseau s'ennuie dans sa cage, à regarder derrière son grillage. C'est la liberté qu'il entend chanter dans l'arbre à côté. Mais un jour du bec et des pattes, il fait tant qu'il se carapate. Un siphon, fon, fon, à la belle saison, filles et garçons. Fon, fon, filles et garçons. Fon, fon, filles et garçons. Mado Robin, son titre « Si tu le veux ». Oh, Elle s'appelle Lucien Delisle avec Fleurissez-vous. Je vends des fleurs à la sauvette. Le flic du coin est un poète. Il ferme les yeux, il me laisse crier. Fleurissez-vous. Aux amoureux, je fais des risettes. Et ça me suffit pour qu'ils m'achètent un petit bouquet porte-bonheur. Fleurissez-vous. Pour moi c'est toujours fête, Saint-Pierre, Saint-Paul ou Saint-Jean. L'hiver je vends des violettes, du muguet au printemps. Une belle boutique à la muette, ça me plairait bien. Mais ce qui m'embête, c'est que je pourrais pas crier aux gens. Fleurissez-vous. Fleurissez-vous, monsieur, dame. J'ai du cœur à l'ouvrage pour vendre mes bouquets. Car un gars de mon âge dans ma vie est entré. Dans les rues de la ville, perché sur son vélo, il court, il se faufile. Pour vendre ses journaux. Nous devons s'aimer à la sauvette, de la Bastille à la Villette. On a le choix des rendez-vous. Fleurissez-vous, monsieur, dame. Il vient me chercher à bicyclette. Et quand il me reste quelques violettes, pour les finir, on crie en cœur, fleurissez-vous. Une belle boule à la muette, ça me plairait bien. Ça viendra peut-être pour le moment. C'est pas pour nous, mais on s'en fout. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Voici donc Lucien Barou, je peux pas laisser ma petite sœur. La petite Germaine, je lui dis l'autre jour, à Saint-Germain, je vous emmène faire un petit tour. Ma Rosengart n'a que deux places, mais on y tiendra. S'il faut au besoin qu'on se tasse, on se tassera. Baissant les yeux, Germaine me fait, je veux bien accepter, oui, mais je ne peux pas laisser ma petite sœur. Quand elle est toute seule, elle a vraiment trop peur. Je ne peux pas laisser ma maman. Quand elle est toute seule, elle a des étouffements. Je ne peux pas laisser grand-père. Je ne peux pas laisser grand-mère. Je ne peux pas laisser mon papa. Faut amener tout le monde ou bien moi j'y vais pas. Pour ne pas casser ma voiture, je loue un autocar. Nous arrivons en pleine verdure à 13h moins le quart. À Germaine, je dis chérie, je connais dans le bois une discrète hostellerie. Venez-y avec moi, nous déjeunerons sous les lilas. Elle me répond, oui, mais voilà. je ne peux pas laisser ma petite sœur. Quand elle est toute seule, elle a vraiment trop peur. Je ne peux pas laisser ma maman. Quand elle est toute seule, elle a des étouffements. Je ne peux pas laisser grand-père. Je ne peux pas laisser grand-mère. Je ne peux pas laisser mon papa. Faut amener tout le monde, ou bien moi, j'y vais pas. Semant en douce la famille dans un chemin creux, j'entraîne enfin la jeune fille dans un coin ombreux. Tout près d'elle, sur l'herbe tendre, je lui dis, si tu veux, puisqu'on est seul, sans plus attendre, rends-moi vite heureux, montons au ciel, sans plus tarder. Je veux bien, dit-elle, mais attendez. Je ne peux pas laisser ma petite sœur. Quand elle est toute seule, elle a vraiment trop peur. Je ne peux pas laisser ma maman. Quand elle est toute seule, elle a des étouffements. Je ne peux pas laisser grand-père. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas laisser grand-mère. Ah non, laissez-moi, voyons, alors. Je ne peux pas laisser mon papa. Faut amener tout le monde, ou bien moi, j'y vais pas. Voici donc Andreani, voilà Andreani, et puis son titre Soir du Tyrol. Là-haut sur la montagne, quand lentement vient la nuit, mes moutons m'accompagnent dans le ciel de minuit. En bas le vieux village s'endort bien sage, seul dans le soir. Il âme libre dans l'air qui vibre, je chante tous mes espoirs. Dans cette vie tranquille, j'ai désappris pour toujours les plaisirs de la ville, ses joies et ses amours. Mais mon cœur va quand même vers ceux qui s'aiment, et c'est pour eux que vers la nuit, l'ami perdu, je lance mon chant joyeux. Et voici deux morceaux jazz. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Jitterbug, just a silly lug, young and wild with lots of style is Doug the Jitterbug. Just a crazy mug, drinks liquor by the jug, he's alive with lots of jive, Doug the Jitterbug. They threw him out of school, cause all he learned was Tiger Ray. He never knew the golden rule, but boy, how he can shake. Doug the Jitterbug cuts a wicked rug. It ain't no shame, he's not to blame, he's Doug the Jitterbug. Never got a case. Every time they'd look for that cat in court, he'd be doing the panty waste. So still a talk about a Doug the Jitterbug. Cuts a wicked rug. It ain't no shame, he's not to blame. He's Doug the Jitterbug. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur.

heureux blottis cœur contre cœur, nous bénirons notre bonheur ensemble, ensemble, ensemble. Certains jours sans en savoir la cause, on voit les choses d'un œil morose. Tout vous énerve et tout vous tracasse, quoi que l'on fasse, tout vous agace. Mais un petit air de rien du tout, tout doucement s'en vient vers vous. Y a de la musique dans l'air, le ciel paraît plus clair. Ah la la la la la la la, on siffle en marchant, on répète gaiement. À demain les soucis, à demain les ennuis. Ah la la la la la la la, y a de la musique dans l'air et de l'espoir sur terre. Ah la la la la la, de Montmartre jusqu'au fond de Belleville, dans toute la ville, des pierres profilent. Entendez ma pied à bicyclette, en trottinette, on se répète, en l'entendant tous ces moustiques. Même le cocher, Madeleine Basti, y a de la musique dans l'air, dans le métro à d'enfer. Ah la la la la la la la, serré comme des harengs, on dit en se bousculant. Ah la la la la la la la, l'employé qui s'en fout, tout en faisant ses trous. Ah la la la la la la la, il ne faut pas s'en faire, y a de la musique dans l'air. Ah la la la la la. Pas besoin du jardin, c'est qu'un test pour se mettre en tête ma chansonnette. Pas besoin que la radio fidèle à sirotelle me la révèle. Tu m'apparais, tu me souris, et brusquement cela suffit. Y a de la musique dans l'air, je crie à l'univers. Ah la la la la la la la, passant comme un tambour, mon cœur rythme à son tour. Ah la la la la la la la, le bonheur m'est pas loin, il passe sous la main. Ah la la la la la la la, y'a de la musique dans l'air et de l'amour sur terre. Ah la la la la la. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Albert Préjean, juste un instant, et puis voici George Milton, Tous les bœufs. C'est au pied d'une grande montagne que paissait en Espagne un grand troupeau de bœufs. Et les bœufs avaient comme compagne, arrivant de Bretagne, une vache aux 12 yeux. On entend dire partout que les bœufs n'ont pas de goût. Cela ne tient pas debout, car cela n'en manquait pas du tout. Cet acquis de serre ruminant était le plus prévenant, avec un air plein d'innocence. Il la contemplait en silence. Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs aimaient la vache. Mais la vache, pas la vache, elle n'en aimait aucun d'eux. Quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs d'une jolie vache, ça mourache, ça mourache, ça n'est pas très dangereux. Elle aimait un taureau qu'elle avait vu à Bilbao, au marché, au pays. À ce taureau qu'il était beau, avec ses jolis cornes en croc. Il avait un anneau, un bel anneau dans le naseau, un joli petit museau. Il était beau, il était gros, c'était un beau taureau costaud. Et elle rêvait la vache, nuit et jour du taureau. La vache qui manquait d'expérience dit avec imprudence qu'elle aimait un taureau. L'un des bœufs dit taureau, ma chérie, faites toutes sortes de vacheries, ce n'est pas le mal qu'il vous faut. Puis il dit confidentiel, mais c'est un professionnel, il se fait payer d'ailleurs toutes les fois qu'il accorde ses faveurs. Et puis ce qui est bien pire, chaque jour de pis en pis, il va comme ça de vache en vache, mais à aucune il ne s'attache. Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, le débinaient à la vache. Et la vache, en avait les larmes aux yeux. Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs voulaient que la vache se détache de ce gros taureau vicieux. Il disait du taureau, c'est lui la cause de tous nos maux. Mettant tout sur son dos, lui attribuant de tels propos que la vache pleurait comme un veau. Mais le jour des rameaux, on la ramena à Bilbao, au marché, aux bestiaux, et son cœur battit aussitôt qu'elle aperçut le beau taureau. Car malgré tout ça, la vache adorait le taureau. Jour-là, pour elle, quelle chance, on l'a mis en présence, le taureau fut galant. Il lui dit, bah, vous êtes jolie, je passerai bien ma vie avec vous, mon enfant. Elle répondit, vous riez, vous faites un trop sale métier. Et puis on m'a dit d'ailleurs ce taureau, mais il n'a aucun cœur. Alors le taureau furieux, dit en faisant les gros yeux, ce sont les bœufs, répond de suite. Qui t'ont dit ça? Oui, dit la petite. Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tout le taureau à la vache. Si je me fâche, si je me fâche, je vais en faire du pot-au-feu. Mais les bœufs, mais les bœufs, mais les bœufs, mais les bœufs, sans faire tous comme des lâches. Et la vache, oh la vache, en riant se moqua d'eux. Puis doucement, le taureau, très gentiment, lui dit ces mots. Si je change de je serai forcé, vois-tu, Coco, d'en faire un autre moins rigolo. Veux-tu comprendre mon trésor? Pour moi, ce serait le toréador et l'affreuse mise à mort. Alors elle, sans hésitation, lui fit garder sa profession. Et depuis des années, la vache, tous les ans, a un veau. Et voici Maya Camp. Oui, c'est ça, Maya Casabianca. Et puis son titre, guitare tango. Sous le tango de nos vacances, c'est le souvenir de l'amour qui danse. Nous n'étions encore dans la nuit brune que des étrangers au clair de lune. Nous ne savions pas que notre histoire commencer déjà au son des guitares, guitare tango. Pour nous tu as arrêté le temps, guitare tango, et nous dansions cœur battant. Et sous les lampions d'un soir de fête, nous avons senti tourner nos têtes. C'était simplement la belle histoire d'un amour qui naît au son des guitares. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bien, bien, bien, je me sentais si bien. Plus rien, rien, rien que ton cœur qui battait contre le mien. Loin, loin, loin, ceci est déjà loin, loin, loin. Mais nous sommes si bien, bien, bien qu'on n'y changera rien. Quand j'entends la voix d'une guitare lancée dans la nuit sans chant bizarre et jouer le tango de nos vacances, c'est le souvenir de l'amour qui danse. Nous n'étions encore dans la nuit brune que des étrangers au clair de lune. Nous ne savions pas que notre histoire commençait déjà au son des guitares. Guitare tango, je n'oublie pas que je te dois. Guitare tango, autant d'amour et de joie. Et pour un tango sous les lumières, nous serons heureux la vie entière. Car au fil des jours, dans nos mémoires, chantera toujours la voix d'une guitare. Clever, il l'aura bien voulu. C'était un beau zigane qui venait des Carpates à pied. Toute sa tribu lui courait derrière. Toute sa tribu lui courait au. Le gitan, le cœur tout agité, par le monde promenait son archer. Il aurait bien voulu, mais il n'avait pas pu. Il espérait toujours pouvoir trouver un jour. Que la nuit tombait, on le voyait partir, mais le lever du jour le voyait revenir. Il aurait bien voulu, mais il n'avait pas pu. Alors le beau zigane revint dans ses Carpates à cheval. Toute sa tribu lui courait derrière, toute sa tribu lui courait au. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Mais après avoir tant bourlingué, elle était là, qui n'avait pas bougé. Elle aurait bien voulu. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et voici, il s'appelle Jean Patard et son titre s'appelle Aïe Mama. Aïe maman, qu'elle était jolie, dans sa robe d'été fleurie. Un œillet rouge à son corsage, les grands yeux d'enfant fort très sages. Tous les hommes de la Rambla, en se retournant sur ses pas, lui jetaient des regards pleins d'envie. Aïe maman, qu'elle était jolie. Aïe, aïe, aïe, aïe maman, que je suis donc malheureux. Combien mon cœur brûlait d'amour. À faire ensemble une ou deux danses, je l'invitais le premier jour. Elle n'a n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non, mais qui ne dit rien est toujours le qui veut bien. Aïe maman, qu'elle était jolie, contre moi tendrement blottie. Je frôlais sa lèvre divine, je sentais poindre sa poitrine, et mon cœur battait à grand coup quand je l'embrassais dans le cou. Alors simplement elle a souri, aïe maman, qu'elle était jolie. Je suis tout malheureux, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe, aïe, maman. Malheureux d'être amoureux. Comme la place était déserte, je n'avais plus qu'un seul désir. Une occasion m'était offerte. Il suffisait de la saisir. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Mais qui ne dit rien est toujours le qui veut bien. Aïe maman, qu'elle était jolie, sur le sable plus doux qu'un lit. Je voyais luire sa peau brune au milieu d'un rayon de lune. Il a un galop qui chantait, et le ciel dans ses yeux dansait. Ce fut là notre nuit de folie. Aïe maman, qu'elle était. Et voici donc Andrex avec son titre Cousine. Autrefois, ma cousine Hortense arrivait de temps en temps chez mes parents. Elle venait passer ses vacances dans notre petite maison près de Toulon. C'était dans le programme quand nous recevions le télégramme. Le bonheur dans l'âme, à la gare je courais comme un fou. Mais le train arrivait tout à coup, en la voyant je criais ouh. Cousine, cousine, t'es fraîche comme une praline. Cousine, cousine, coquine de sort, quelle bonne mine. Et dis, tu as bien dormi dans le train? Et j'espère que tu avais un coin au moins. Cousine, cousine, embrasse ton cousin Germain. Chaque matin, courant vers la grève, afin de nous baigner tous deux dans les flots bleus, on se déshabillait, quel beau rêve, sous l'ombrage hospitalier des oliviers. Rouge comme une cerise, afin de me cacher sa gorge exquise, elle ramenait sa chemise, mais comme il y avait de la dentelle partout, souvent je voyais par un trou, un sein qui montrait son bijou. Cousine, cousine, qu'est-ce que je vois sur ta poitrine? Cousine, cousine, on dirait deux mandarines. Oui, tu as les mandarines, c'est certain, mais peu cher. Ce qui m'embouche un coin. Cousine, cousine, c'est que c'est moi qui ai le pépin. Mais elle m'écrivit l'autre année. Cher cousin, je ne viendrai pas, tu m'excuseras. Depuis 8 jours, je suis marié. Et pour plaire à mon mari, je reste à Paris. La méchante lettre, en moi quel chagrin et le fit naître. Du fond de mon être, monta comme un frisson de rancœur. J'interrogeais dans ma douleur les arbres, la grève, les fleurs. Cousine, cousine, si gentille, si câline. Cousine, cousine, c'est mon cœur que tu piétines. On devait se marier au printemps et moi je suis là, t'es, j'attends. Cousine, cousine, l'amour c'est du boniment. « Et donc presque 15h30, mais avant, eh bien tout simplement d'écouter d'autres musiques et de chansons. Voici donc la programmation pour ce soir et demain. Juste après moi, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Manuel. Et puis juste après lui, entre 19h et 22h, avec Albino. Et puis pour le samedi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Christine. Le dimanche matin, vous allez retrouver entre 8h jusqu'à 10h, et bien l'émission avec Antonio. Et puis juste après, c'est à vous de faire l'émission entre 10h 1030 avec Lionel puis Jérôme. Et puis juste après, et bien vous allez me retrouver entre 1030 jusqu'à 16h. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. des yeux troublants, un teint rosé blanc, une petite bouche d'enfant. Et bien cette beauté suprême, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs, me disant farceur, je veux faire ton bonheur. Je lui dis merci du bouquet, mais c'est pas ce qu'il faudrait. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Elle me dit comme c'est dimanche, je vais mettre ma robe blanche, mes souliers de satin, et dans un sapin, nous filons à tabarin. Elle ne danse pas en zur, elle piétinait ma chaussure. Dans mon oeil bientôt, elle vante à presto les paillots de son chapeau. Tu me crèves l'œil, c'est gentil, mais c'est pas ça qui me suffit. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, même sous sa fenêtre, chantait pour la voir paraître. Je suis malheureux car ses jolis yeux ont mis tout mon cœur en feu. Alors elle, par bonté d'âme, m'envoie pour éteindre ma flamme. Un seau d'eau vivante, disant gentiment, es-tu plus heureux maintenant? Je lui dis merci du seau d'eau, mais c'est pas ce qu'il me faut. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux. C'est une jeune fille bien sage, elle dit je connais que le mariage. Je lui dis je veux bien aider le lendemain sans faire m'accorder sa main. Soir de la noce après la fête, elle me dit en tête à tête, toi tu m'as donné ton nom à porter, moi je peux plus rien te refuser. Ayant tiré les verrous, elle me dit mon cher époux, maintenant pour ton bonheur, Marguerite, Marguerite, maintenant. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et vous voici, il s'appelle Liane Célis, et puis son titre, une rose aux fleurs et aux cheveux. Je parais si belle Et puis voici, elle s'appelle Georgette Plena. Et puis le titre s'appelle Tous les bœufs. C'est au pied d'une grande montagne que paissait en Espagne un grand troupeau de bœufs. Et ces bœufs avaient comme compagne, arrivant de Bretagne, une vache aux grands yeux. On entend dire partout que les bœufs n'ont pas de goût. Cela ne tient pas debout car ceci n'en manquait pas du tout. Cet acquis de cerf ruminant était le plus prévenant, avec un air plein d'innocence. Il la contemplait en silence. Tous les bœufs aimaient la vache. Et la vache, à la vache, elle n'en aimait aucun d'eux. Quand les bœufs, une jolie vache, ça mourache, ça n'est pas très dangereux. Elle aimait un taureau qu'elle avait vu à Bilbao, au marché, au bestiaux. Oh, ce taureau qu'il était beau avec ses jolies cornes en croc. Il avait fut galant. Il lui dit, mais vous êtes jolie, je passerai bien ma vie avec vous mon enfant. Elle répondit, vous riez, vous faites un trop sale métier. Et puis on m'a dit d'ailleurs, ce taureau, mais il n'a aucun cœur. Alors le taureau furieux dit en faisant les gros yeux, ce sont les bœufs, répond tout de suite. Qui t'ont dit ça? Oui, fit la petite. Tous les bœufs, dit le taureau à la vache. Si je me fâche, je vais en faire du pot-au-feu. Mais les bœufs, s'enfuient tous comme des lâches. Et la vache, à la vache, en riant se moqua d'eux. Puis doucement, le taureau, très sagement, lui dit ces mots. Si je change de boulot, je serai forcé, vois-tu coco, d'en faire un autre moins rigolo. Tu comprends mon trésor, pour moi ce serait dans rien d'or. Et l'affreuse mise à mort, alors elle sans hésitation lui fit garder sa profession. Et depuis ce temps-là, la vache, tous les ans, a un veau, un petit veau, un joli veau de son taureau. Et puis voici, il s'appelle Robert Ripa. Et son titre, Je ne crois plus de rien. À l'école, j'étais sage, au régiment docile, fidèle au mariage. Dans la vie, imbécile, pour m'en apercevoir, j'ai mis quelques années, et dans la tour d'ivoire, je chante pour pas pleurer. Je ne crois plus à rien, à force de croire à tout. Je mène une vie de chien, je prends plus de rendez-vous. Je ne crois plus les hommes, ils sont bien trop soucieux de vouloir faire les hommes pour s'épater entre eux. Je ne crois plus les filles, elles se croient bien assez. Et leur cœur se maquille pour se faire une beauté. je ne crois plus à rien de tout ce qu'on m'a appris. Y a pas de mal, y a pas de bien, il y a que la vie. Il me reste le ciel, les arbres et les fleurs, et puis tout l'essentiel, une tête sans cœur, son passé sans l'avenir. Dans l'eau, je fais des ronds et je regarde courir les nuages au plafond. Je ne crois plus à rien. À force de croire à tout, je mène une vie de chien, je prends plus de rendez-vous. Je ne crois plus les hommes, ils sont bien trop soucieux de vouloir faire les hommes pour s'épater entre eux. Je ne crois plus les filles, elles se croient bien assez et leur cœur se maquille pour se faire une beauté. Je ne crois plus à rien de tout ce qu'on m'a appris. Y a pas de mal, y a pas de bien, il n'y a que la vie. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis je vous laisse avec Jean-Raphaël et son titre « Tim Mamonon ». Tu vas partir et déjà l'ombre qui pénètre semble vouloir comme un regret nous séparer. En vain je voudrais m'éloigner de la fenêtre, ne pas comprendre que tu viens de me quitter. L'espoir s'en va tel une rose qui s'effeuille, ne laissant plus de tout cela qu'un souvenir. Pourtant bientôt les choses près de moi sans deuil, témoin des doux instants qui ce soir vont finir. Tu m'abandonnes, mais mon cœur pardonne, car je sais qu'un jour, avec ton retour, reviendra l'amour. Tu m'abandonnes, et déjà résonne au loin dans la nuit, ton pas qui s'enfuit, tout est bien fini. Le rêve passe, les chagrins s'effacent, puisque le bonheur te réclame ailleurs, quittons-nous sans pleurs. Tu m'abandonnes, mais mon cœur pardonne, car je sais qu'un jour, avec ton retour, reviendra l'amour. S'efface, puisque le bonheur te réclame ailleurs, quittons-nous sans pleurs. Tu m'abandonnes, mais mon cœur pardonne, car je sais qu'un jour, avec ton retour, reviendra l'amour. éclaire un nuage blanc. J'ai pris sur la mer un reflet tremblant. Et dans la nuit qui se voile, la dernière étoile. Et ce soir dans mes bras, lorsque tu t'endormiras, j'en ferai pour ton cœur un rêve enchanteur. Le nuage léger dira rien ne peut changer. La mer au ciel d'été parlera d'éternité. Et jusqu'au matin, l'étoile d'argent sur le blanc satin de ton pont changeant ira bien mieux que moi-même. À quel point je t'aime. Et pour que chaque nuit te parle de mes jours, de mes longs jours d'ennui, écoute mon amour. J'ai pris dans mon cœur tout ce qu'il contient. J'ai pris, j'en ai peur, même un peu du tien. J'ai pris pour toi sans attendre les mots les plus tendres. Et ce soir dans mes bras, lorsque tu t'endormiras, j'en ferai pour ton cœur un rêve enchanteur. Mon amour te dira, vers son onde je crois, n'est capable ici-bas de t'aimer autant que moi. Et si Dieu le veut, quand le jour viendra, de mes doux aveux, tu te souviendras, et ton cœur à l'instant même répondra, je t'aime. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Et bien, elle s'appelle Josette Dédé et son titre Do et Mi. Sans crainte du scandale, mais un vilain seul vécu.

blaue Himmel, viele bunte Blumen blühen und die Vögel eure Freunde singen frohe Melodien. Bis im Dorf schallt die Musik, unsere Heidi ist zurück. Heidi und Peter, endlich zieht der Sommer in das Land. Heidi und Peter und ihr zwei geht vergnügt Hand in Hand. Einmal noch einen Walzer tanzen, aber nur mit Allez, on continue avec les chansons anciennes et elle s'appelle Yvonne Printemps, son titre Quand les papillons. Dans l'enchantement des premiers serments, quand les billets doux peuplés de chimères, les fleurs qu'on les croit en disant un nom, et tous ces sons de bleu sont les éphémères, on se quitte un jour et ne jurez pas nous. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Je vous laisse avec Lily Vincent, son titre « Toi et mon cœur ». Toi et mon cœur, c'est merveilleux, c'est du bonheur et du ciel bleu. Je me sens si bien près de toi, contre toi, dans tes bras. Toi et mon cœur, c'est le printemps, c'est du bonheur. Chaque instant, au fil des heures, au gré des jours, c'est pour toujours un grand amour. que ma vie t'appartient sans détour. Pourquoi dès lors demander plus encore et douter de l'amour? Où que tu sois, c'est pour toi que toujours mon cœur bat chaque fois. Car le destin me murmure sans fin ce refrain. Avec les chansons et je vous laisse avec Bruno Mars. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like Il s'appelle Bérard et son titre, le titre s'appelle « Le temps que j'ai pleuré ». « Le temps pleuré », chanté par Bérard. Et t'en pleuré pour toi, sans prier, sans t'attendrir, méchante. J'ai passé tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. Et tout au fond de moi, j'ai gâché tant de larmes brûlantes, que j'ai lassé mon cœur à t'en souffrir pour toi. Ma folie, je croyais poète ennuyeux, que notre vie serait un roman merveilleux. Le cœur plus sage sans voir se troubler mes yeux, j'ai lu la dernière page, la page où l'on parle d'adieu. Sans pleurer pour toi, sans prier, sans t'attendrir, méchante. J'ai passé tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. Et tout au fond de moi, j'ai caché tant de larmes brûlantes, j'ai lassé mon cœur à t'en souffrir pour toi. L'âme brisée suivant ton chemin douloureux, loin de l'aimer on reste longtemps malheureux. Mais on se lasse chaque jour qu'on sort un peu, et chaque matin qui passe efface une larme entre vos yeux. Et t'en pleurer pour toi, t'en Brigitte va t'attendrir tes tentes et passer tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. Et tout au fond de moi, tu cachais tant de larmes brûlantes que j'ai lassé mon cœur à t'en souffrir. Souffrir pour toi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc Germaine Lise et son titre « Quand je vis seul ». Dans notre petit nid d'amant, l'horloge égrène tristement ses lentes heures. Tu reviendras dans quelques jours, je suis seule sans ton amour, et je te pleure. Il me semble que rien d'heureux, si nous ne sommes pas nous deux, ne peut éclore. Et mon faible cœur indiscret me demande s'il est bien vrai que tu m'adores. Je ne réponds rien à mon cœur, car l'emprise de la douleur m'a rendu veule. L'ennui sombre vient m'assaillir, et je tremble de t'en vieillir quand je suis seule. Je récite ton nom tout bas, et croyant entendre ton pas, j'ouvre la porte. Hélas, que vais-je devenir si tu tardes de revenir? Je serai morte. J'ai fait un rêve ahurissant où tu m'apparais enlaçant une autre femme. Bien sûr j'en ai ri, mais je crains les morsures de mon chagrin tissant sa trame. Dans notre petit nid d'amant, l'horloge égrène tristement ses lentes heures. Tu reviendras dans quelques jours, je suis seule sans ton amour, et je te pleure. Et je vous laisse avec Lucienne Dugard et son titre « Les quatre tâches de Lise ». Thank you. Voici Claude Devos et puis je laisse avec son titre qui s'appelle « Bonsoir Madame la Lune ». Venir me voir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Elle s'appelle Marie-Blanche avec son titre « Je suis sur le point de l'amour ». Je te vois, tu me souris. Ton regard illumine ma vie. Tu es tout ce que je désire. Chaque mot que tu me dis résonne comme une douce mélodie. Ton amour me donne envie de croire en l'infini. Je suis sur le point de t'aimer. Je suis sur le point de m'envoler. Dans tes bras, je veux rester pour l'éternité. Et je te veux chaque instant près de toi, rien que nous deux. Ton sourire est ma lumière, guidant mon cœur sincère. Je suis prête à t'aimer. Le temps s'arrête, il me semble, quand tu es près de moi. Nos rires se ressemblent. Je n'ai peur de rien avec toi. Je suis sur Je suis sur le point de m'envoler. Dans tes bras, je veux rester pour l'éternité. Pour l'éternité. Voici, il s'appelle le Dramen avec son titre Ah, les petits pois. Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis.

quel soupir. On a sauvé et la vache et sa vie. Quand on y tient, ça fait toujours plaisir. Quand on ne tient pas à la femme qui vous aime, ce qu'on est rosse, ce que l'on peut mentir. Au rendez-vous, on arrive le deuxième. Et tout de suite, on déclare, mon chéri, je te demande pardon, je dois partir. Lorsqu'elle s'écrie, et si je te trompais, hein? On pense dans le fond, comment que ça m'arrangerait, mais... Quand on y tient, c'est toute une autre affaire. Au rendez-vous, on attend fébrilement. Même si la pluie vous transforme en gouttière. Même si le froid vous fait claquer des dents. Et si plus tard, la gosse vous dit toute chose. Mon grand chéri, comme c'était ton désir. Tu vas être père. D'un joli poupon rose. Quand on y tient, ça fait toujours plaisir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et voici, je vous laisse avec du rétro pop. Minutes et voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que pour vous tout s'est bien passé pour l'après-midi avec les chansons que vous avez pu entendre et puis autre chose aussi que vous faites pratiquement tout régulièrement. Pour nous, on va se retrouver donc eh bien vendredi prochain à partir de 13h30 jusqu'à 17h. Et puis ainsi on se retrouve dimanche à partir de 12h30 jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon. D'ici une dizaine de minutes, eh bien, je vous laisse avec Manu jusqu'à 19h. Et puis juste après, à partir de 19h, vous allez retrouver Albino. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec les deux autres qui vont arriver. Voilà, ben, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes.